aïe, où j'ai souffert en silence. Mais en prévoyance, inhibitant qui pas caille, non, non. En cave et en caton, patron la sidoa. Besoin liberté, chercher gens pour chapper. Oh yeah yeah yeah. Dis-moi ça on peut faire pour rendre la vie plus belle. Ensemble vous et moi, nous qui vivons. Dis-moi ça on besoin pour sentir bien. En silence, mais en prévoyance, inhibitant qui pas caille, qui pas caille. Ou peut pas souffert encore, non, non. Et j'attends pour papillon prévoler. J'attends pour t'y faire la dépousser.